Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 14e. Voyage de 1611. Départ de Champlain pour Québec. Voyage de découverte. Le Mont-Royal. La place royale. Île Sainte-Hélène. Traite au Sault Saint-Louis. Noyade du jeune Louis. Arrivée des Hurons. Long pour parler avec Champlain au sujet de la traite. Arrivée des Algonquins. Champlain leur donne rendez-vous pour l'année suivante. Ils retournent en France. La compagnie de M. de Mont dissoute. Ligue des Malouins contre de Mont. Plaidoyer de Champlain à l'encontre de leurs prétentions. M. de Mont aurait sans doute abandonné ses plans de colonisation de la Nouvelle-France si Champlain n'eût activé constamment son zèle en appelant à son dévouement par l'extension du nom français, lui laissant aussi entrevoir, dans un avenir assez rapproché, des profits facilement réalisables. Les voyages répétés du fondateur de Québec n'avaient d'autre but que de surveiller les intérêts de son habitation et il ne fallait que peu de secours pour la tenir sur pied. Quelques barils de biscuits, de pois et de cidre lui suffisaient pour nourrir les 15 ou 20 hommes qui, jusqu'alors, avaient composé la petite colonie. Les espérances que l'on fondait sur les bénéfices de la traite devaient servir à rembourser les bailleurs de fonds. D'une année à l'autre, Champlain espérait, par ses seuls efforts et ses prévenances à l'égard des sauvages, attirer leur commerce à lui seul ou à ceux qu'il recommanderait, non pas pour son intérêt particulier, comme on pourrait le croire à la simple lecture de ses écrits, mais pour la compagnie de M. de Mont qu'il importait d'encourager. L'équipement des vaisseaux se fit de bonne heure, car le départ eut lieu le premier jour de mars. La traversée fut extrêmement difficile. À 80 lieues du Grand Banc, une énorme quantité de banquises mit les voyageurs à deux doigts de leur perte. Le froid fut si grand que l'on ne pouvait manœuvrer le vaisseau. Les cordages et les voiles se couvrirent de glaçons. Dans le voisinage de Terre-Neuve, un vaisseau français communiqua avec eux. C'était le fils de M. de Boutrincourt qui s'en allait à l'habitation de Port-Royal pour y trouver son père. Depuis 3 mois qu'il était parti de France, il n'avait pu retrouver la route de la côte acadienne et il était encore éloigné de 140 lieues du poste qu'il cherchait. Après avoir reconnu la Gaspésie, Champlain prit terre à Tadoussac le 13e jour de mai. Tout le pays était encore couvert de neige. Les sauvages, avertis par un coup de canon, se montrèrent bientôt. Il y avait déjà un mois, apprirent-ils à Champlain, qu'une patache était arrivée et 3 vaisseaux avaient fait leur apparition depuis 8 jours, espérant trafiquer avec plus de profit. Mais, comme le remarque Champlain, ils s'étaient abusés car les sauvages étaient devenus trop fins et trop subtils pour se laisser prendre à ce subterfuge. Ils préférèrent attendre l'encombrement du marché pour livrer leur fourrure sans les sacrifier. Du reste, les sauvages cabanés à Tadoussac avaient l'air misérables et n'avaient presque rien à trafiquer. Champlain n'eut donc rien de mieux à faire que de poursuivre sa course vers Québec, où il ne fit que s'arrêter. Son intention était de se rendre immédiatement au Sault Saint-Louis, où il avait donné rendez-vous aux Algonquins pour entreprendre avec eux le voyage de la mer du Nord depuis si longtemps prémédité. Il comptait beaucoup sur cette expédition pour étendre le cercle de ses découvertes. De leur côté, les Français qui étaient au fait de l'engagement de leurs alliés de l'Ouest auraient désiré le suivre. L'espérance de s'enrichir dans un pays dont on rapportait des merveilles, à l'égal même des Indes occidentales, leur avait fait entreprendre l'équipement d'un navire afin d'accompagner Champlain. Ceux qui, cette année-là, avaient précédé Champlain à Tadoussac, avaient construit de petites barques expressément pour ce voyage extraordinaire. Pontgravé laissa partir Champlain et demeura à Tadoussac avec l'entente qu'il se rejoindrait au Sault Saint-Louis. Tout avait été tranquille à l'habitation durant l'hiver. Pas de maladie ni de mortalité parmi les compagnons de Duparc. La chasse leur avait fourni une nourriture saine et abondante. Batiscan, ce capitaine sauvage dont nous avons déjà parlé, attendait impatiemment l'arrivée de Champlain pour lui dire qu'il ne pouvait pas le guider dans son exploration des Trois-Rivières, dont il tenait à remonter le cours. Cette nouvelle entreprise fut différée à plus tard. Champlain partit de Québec le 21 mai, laissant derrière lui un Français de La Rochelle, nommé Tressard, qui avait sollicité de partager les fatigues du voyage. Il amena le sauvage Savignon et un autre Français. Le choix tout particulier que fit Champlain de ses compagnons est un indice qu'il ne voulait pas initier des étrangers aux affaires de sa compagnie, ni à ses découvertes. 7 jours plus tard, la petite troupe déposait son canot auprès du Grand Saut. Après avoir visité la localité de côté et d'autre, pour y trouver un lieu propre à une habitation, et y préparer un terrain pour bâtir, il côtoya le fleuve et s'avança jusqu'à un lac que Savignon reconnut. Toute cette terre provoque l'admiration de l'illustre explorateur. « Mais, en tout ce que je vis, dit-il, je n'en trouvai point de lieu plus propre qu'un petit endroit qui est jusqu'où les barques et chaloupes peuvent monter aisément. Néanmoins, avec un grand vent, ou à la cirque, ou à cause du grand courant d'eau, car, plus haut que le dit lieu, qu'avons nommé la place royale, à une lieue du Mont-Royal, il y a quantité de petits rochers et basses qui sont fort dangereuses. Et proche de la dite place royale, il y a une petite rivière qui va assez à vendre dans les terres, tout de long de laquelle il y a plus de 60 arpents de terre désertés qui sont comme prairies où l'on pourrait semer des grains et y faire des jardinages. Autrefois, des sauvages y ont labouré, mais ils les ont quittés pour les guerres ordinaires qu'ils y avaient. Il y a aussi quantité d'autres belles prairies pour nourrir tel nombre de bétail que l'on voudra. Et de toutes les sortes de bois qu'avons en nos forêts de part de ça, avec quantité de vignes, noyers, prunes, cerises, fraises et autres sortes qui sont très bonnes à manger, entre autres une qui est fort excellente, qui a le goût sucré, tirant à celui des plantaines, qui est un fruit des Indes, et est aussi blanche que neige, et la feuille ressemble aux orties et rampe le long des arbres et de la terre, comme le lierre. La pêche y est fort abondante, et de toutes les espèces que nous avons en France, et de beaucoup d'autres que nous n'avons point, qui sont très bons. Comme aussi la chasse aux oiseaux, aussi de différentes espèces, et celle des cerfs, daims, chevreuils, caribous, lapins, loups cerviers, ours, castors, et autres petites bêtes qui y sont en telle quantité que durant que nous fûmes au Dissot, nous n'en manquâmes aucunement. Champlain fit défricher un petit espace de terrain sur une pointe qui lui était facile de convertir en îlot. À 60 pieds de cet endroit, qu'il avait appelé Place Royale, il se trouvait une île de 100 pas de long. Ses alentours étaient charmants, consistant des prairies de terre argileuse. La place déblayée, Champlain éleva tout autour une muraille de 4 pieds d'épaisseur, de 3 à 4 de hauteur et de 30 pieds de long. Cette fortification, ainsi construite sur un tertre de 12 pieds plus haut que le niveau du sol, dans un temps où la crue des eaux se faisait encore sentir, devait être à l'abri de toute inondation. Champlain donna le nom de Sainte-Hélène à une autre île d'environ 3/4 de lieue de circuit, capable d'y bâtir une bonne et forte ville. C'est en souvenir, sans doute, de sa jeune épouse, que Champlain donna le nom d'Hélène à l'île qui fait l'ornement du port de Montréal. Pontgravé arriva au Sault Saint-Louis le 1er jour de juin. Ses espérances de traite furent déçues car les sauvages ne s'étaient pas encore montrés, malgré le rendez-vous fixé au 20 du mois précédent. Plusieurs barques chargées de Français, âpres à la curée, suivaient Pontgravé de bien près. 4 ou 5 autres arrivèrent le 6 de juin. En attendant la venue des sauvages, Champlain dépêcha Savignon avec un des siens vers ceux de sa nation pour leur dire de se hâter. Ils revinrent au bout de quelques jours, rapportant qu'ils n'avaient aperçu aucune trace de leurs compatriotes, mais en retour, ils avaient vu sur une île, près du Sault, une telle quantité de hérons que l'air en était tout obscurci. Un jeune Français, appelé Louis, au service de M. Demont, et grand amateur de chasse, conjura Savignon de l'amener avec lui pour satisfaire son goût de prédilection. Tous deux partirent accompagnés d'un sauvage montagnais nommé Otetoukos, fort gentil personnage. La chasse aux hérons fut ce qu'on attendait, c'est-à-dire fructueuse. On emplit le canot de gibier, et en revenant, le jeune Louis paya de sa vie la témérité qui l'avait induit à ne pas suivre les conseils de ses compagnons. Ceux-ci voulaient lui faire éviter un rapide et dangereux, où le canot allait infailliblement chavirer. Les sauvages s'accrochèrent à l'esquif, mais le Français disparut dans le courant, et l'on ne le revit plus. Otetoukos, se fiant trop à son habileté de nageur, lâcha bientôt son unique planche de salut pour gagner terre. Mal lui en prit. Car ses forces s'épuisèrent vite à cette tâche presque surhumaine, et il fut englouti à son tour dans les flots. Quant à Savignon, plus avisé que les autres, il ne lâcha prise que lorsque l'embarcation fut parvenue dans un remous où le courant l'avait entraîné. Il finit, non sans fatigue, par gagner le rivage. Le lendemain, Champlain se fit conduire par Savignon au lieu de l'accident afin de découvrir les cadavres des noyés. « Les cheveux me hérissèrent sur la tête, » dit-il, « de voir ce lieu si épouvantable, et me tenait comme les défunts avaient été si hors de jugement de passer un lieu si effroyable, pouvant aller par ailleurs. Car il est impossible d'y passer pour avoir 7 à 8 chutes d'eau qui descendent de degré en degré, le moindre de 3 pieds de haut, où il se faisait un frein et bouillonnement étrange, et une partie du dissous était toute blanche d'écume qui montrait le lieu le plus effroyable, avec un bruit si grand que l'on eût dit que c'était un tonnerre, comme l'air retentissait du bruit de ses cataractes. Ce ne fut que le 13 juin que 200 Hurons arrivèrent au Sault. Ils étaient conduits par les capitaines Ochateguin, Iroquet et Triguarotti, frères de Savignon. Comme ils approchaient, ils commencèrent à crier tous ensemble et les Français les saluèrent par une décharge générale de mousquets, des arquebuses et de petits canons. Ce bruit inusité les effraya tellement qu'ils supplièrent Champlain de dire à ses gens de ne plus tirer. Les Hurons avaient ramené le jeune Français qui avait hiverné dans leur pays. Savignon, qu'ils croyaient mort, sur la foi d'un Algonquin mal informé par un montagnais, leur raconta son voyage de France. Le récit des choses merveilleuses qu'il avait vues leur fit pousser des exclamations de surprise. Le Français n'avait qu'à se féliciter des bons traitements des Hurons durant son séjour au milieu d'eux. Le lendemain, Champlain eut un long entretien avec les Hurons, dans un endroit écarté, où ils avaient planté leur tente. Le jeune Français savait déjà assez bien la langue pour servir d'interprète à leur discours. Ils tinrent à peu près ce langage. « Nous désirons faire une étroite amitié avec toi, mais nous sommes fâchés de voir toutes ces barques à la fois. Savignon nous a dit qu'il ne les connaissait pas, il ne savait pas ce qu'ils avaient dans l'âme. Mais nous voyons bien qu'il n'y a que le grain ou la barrice qui les amène ici. Quand même ils auraient besoin de notre assistance, nous ne leur donnerons aucun secours. Toi, au contraire, tu nous as offert de venir en notre pays avec tes compagnons et de nous assister dans nos guerres. Nous n'avons qu'à nous louer de la manière dont tu as traité notre sauvage et nous tâcherons de t'accorder tout ce que tu pourras désirer de nous. » Champlain leur répondit ainsi, « Nous sommes, tous ceux qui sont ici comme moi, soumis au même roi, nous appartenons à la même nation, et si nous avons des difficultés à régler ensemble, elles sont d'une nature particulière et ne regardent que nous seuls. » Admirons ici la discrétion de Champlain et sa loyauté envers des compatriotes, dont la plupart étaient là, mais, ne pouvant l'entendre, pour faire la traite, au grand détriment des intérêts de ses amis de France. Au lieu d'engager les sauvages à ne pas trafiquer avec ceux-là qui travaillaient à la ruine de M. Demont, ils se taient sur leurs motifs de lucre et d'ambition, se réservant le droit de régler avec eux les questions auxquelles les sauvages devaient rester étrangers. La conversation se prolongea pendant quelques temps encore, et puis les Hurons firent à Champlain un présent de 100 pots de castor. Il leur donna en retour quelques marchandises. D'après ce que ces sauvages lui apprirent, un parti de plus de 400 des leurs devait venir, mais ayant appris au moment du départ qu'il avait fait alliance avec les Iroquois pour détruire les Algonquins, ils avaient renoncé à leur voyage. C'était une histoire inventée à plaisir par un prisonnier Iroquois qui était parvenu à échapper à la vigilance des Français. Champlain les rassura après leur avoir dit de quelle manière ce déserteur s'était sauvé. Les Hurons assurèrent en outre que dans 5 ou 6 jours, 300 Algonquins descendraient de leur pays pour aller porter la guerre au sein des peuplades iroquoises, à condition que Champlain consentît à les accompagner. Celui-ci les laissa dire Il les questionna longuement sur les sources du grand fleuve, sur leur pays, dont ils lui firent la description en détail. Quatre d'entre eux assurèrent qu'ils avaient vu de leurs yeux une mer très éloignée de leur bourgade, difficile d'accès à cause des déserts qu'il fallait traverser et des sauvages qui leur barraient le chemin. L'hiver précédent, ils avaient connu des sauvages venus du côté de la Floride, en arrière du pays des Iroquois, et ces sauvages, avec qui ils étaient amis, apercevaient de chez eux la mer Océane. Champlain prit plaisir à les entendre discourir. Il jugea leur renseignement très propre à lui donner une connaissance exacte des lieux qu'ils avaient ainsi visités. Après tous ces discours finis, dit Champlain, je leur dis qu'ils traitassent ce peu de commodité, pelleterie, qu'ils avaient, ce qu'ils firent le lendemain, dont chacune des barques emporta sa pièce. Nous, toute la peine et amertume, les autres, qui ne se souciaient d'aucune découverte, la proie, qui est la seule cause qui les émeut, sans rien employer ni hasarder. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que des gens intéressés dans le commerce des pelleteries. Point Gravé et tous les autres faisaient la traite pour en soutirer quelques profits. Mais ce commerce n'avançait pas les affaires de la colonie. Champlain se trouvait aussi mêlé à des négociations avec les sauvages, mais ce n'était pas pour s'enrichir. Son unique but, on le devine aisément aux plaintes qu'il sème à profusion dans ses écrits, était de découvrir des contrées inconnues, la grande mer du Nord, quelques mines précieuses qui eussent aidé son protecteur en France à soutenir son œuvre. La traite pouvait être la raison apparente de ses longues et incessantes pérégrinations, mais ses principales visées allaient bien au-delà de l'idée que lui ont faussement attribué certains historiens d'avoir voulu se créer une fortune dans la Nouvelle-France. Les sauvages eux-mêmes entretenaient sur son compte une bien meilleure opinion, comme nous allons pouvoir en juger. Le lendemain, on était au 16 juin, et Huron eut une autre conférence avec Champlain. Il l'avait envoyé chercher vers minuit par Savignon. Champlain les trouva tous réunis, assis par terre. Il fit comme eux, puis il les écouta. « Nous sommes fâchés, » dirent-il, « d'avoir tant de Français vivre dans la désunion, et nous avons voulu te parler en secret. » Nous te voulons du bien, et notre confiance en toi est absolue. Mais nous nous défions des autres. Si tu reviens parmi nous, amène autant de gens que tu voudras. Nous t'avons envoyé chercher pour t'assurer notre grande amitié qui ne sera jamais rompue. Quand tu viendras visiter notre pays, nous te donnerons autant d'hommes qu'il faudra pour aller partout en sûreté. Là-dessus, ils lui firent un second présent, de la part de capitaines de leur pays, de 50 pots de castor et de 4 carcans de porcelaine, aussi précieux à leurs yeux que les chaînes d'or des Européens. La moitié de ce cadeau était destinée à Point Gravé, qu'ils appelaient le frère de Champlain. Celui-ci accepta ce nouveau gage d'amitié et leur fit part de ses projets pour l'année suivante. Entre autres propositions soumises à leur adhésion, Champlain leur fit celle-ci qui leur parut très agréable. Désirant voir leur pays, il demandera au roi 40 ou 50 hommes bien fournis de tout pour une lointaine expédition, à l'exception toutefois des vivres que les Hurons leur apporteraient au besoin. Si le pays était jugé fertile et propre à s'y fixer, ils y établiraient des habitations, de sorte qu'ils pourraient plus facilement communiquer avec les Français de Québec et apprendre leur religion. Les sauvages acceptèrent les conditions du marché et Champlain les quitta pour aller se reposer. Le lendemain, les sauvages partirent dans leurs canots sous prétexte d'aller à la chasse, mais en réalité pour se rendre de l'autre côté du Sault, où ils s'étaient tous donné rendez-vous. Pendant leur absence, Iroquois et Trigouarotti vinrent prier Champlain d'aller seul les rencontrer, vu qu'ils avaient à lui communiquer une affaire de haute importance. Deux capitaines qui devaient le guider arrivèrent le jour suivant et le conduisirent à 8 lieues dans les bois, sur les bords du lac. Les sauvages s'étaient cantonnés dans un endroit très agréable. La présence de Champlain fut l'occasion d'un grand festin, auquel préparent tous les chefs et Champlain lui-même. Le conseil se réunit ensuite. Là, ils avouèrent que le motif qui les avait induits à venir dans ces lieux n'était pas celui qu'ils avaient dit. Craignant que les Français ne leur fissent du mal, ils avaient donné ce prétexte pour se retirer. Ils supplièrent encore une fois Champlain de ne plus amener personne que de ses amis, car ils avaient une trop grande peur des autres. Les promesses d'amitié et d'aide réciproque renouvelées, ils demandèrent, comme l'année précédente, un jeune Français pour l'amener chez eux. Bouvier, le commandant d'une des pataches, leur en avait offert un, bien disposé à faire ce trajet, mais ils n'avaient pas donné leur consentement sans savoir si Champlain serait content. Il leur dit qu'ils pouvaient l'amener, pourvu qu'il demeurât avec Iroquoite. Champlain les pria ensuite de le conduire où ils l'avaient pris. 8 canots furent mis à flot, et les sauvages ôtèrent leurs vêtements pour se mettre à l'eau dans les passes difficiles. Champlain dut aussi simplifier son accoutrement afin d'être prêt à faire comme les autres si son embarcation venait à chavirer dans quelque rapide. Le trajet fut heureux, mais non sans danger, et Champlain, qui était encore novice dans ce genre de navigation périlleuse, eut une rude peur de périr. « Je vous assure, dit-il, que ceux qui n'ont pas vu ni passé le dit endroit ne le pourraient pas sans grande appréhension, même le plus rassuré du monde. Je le passai, ce que je n'avais jamais fait, ni aucun chrétien, hormis mon garçon. » À son retour, Champlain se consulta avec Beauvier au sujet du jeune homme qu'il voulait envoyer avec les sauvages. Ils résolurent de le mettre sous la protection d'Iroquoite et d'en expédier un autre chez les Hurons, Chariotquois, avec le frère de Savignon. Voyant que les sauvages annoncés n'arrivaient pas, les capitaines des Patache engagèrent quelques Algonquins, moyennant récompense, à aller à leur rencontre, à condition qu'ils reviendraient au bout de 9 jours. Le 5 juillet, l'on vit arriver un canot portant la nouvelle que leurs émissaires s'étaient rendus chez eux et que 24 canots Algonquins descendraient au plus tard dans 8 jours pour la traite. Champlain résolut de les attendre. Pontgravé partit le 11, laissant derrière lui Champlain dans l'attente et presque dans la disette. Heureusement qu'il arriva le même jour, une barque chargée de provisions. Le lendemain, les Algonquins arrivèrent. Avant que de parler de traite, ils firent un présent au fils d'Anadabijou, chef montagnier que la mort venait d'enlever. Puis, chacun des capitaines reçut en cadeau 10 pots de castor. Ils auraient désiré faire davantage, mais la guerre avait ruiné leur chasse. Cependant, leur offre était faite de bon cœur. « Notre meilleur ami, » dirent-ils, « et celui-ci, » en désignant Champlain, qui était assis auprès d'eux. « Il nous a toujours assistés, et nous n'avons jamais trouvé en lui 2 paroles. Mais, » parlant des autres Français, « ceux-là ne nous veulent du bien que pour nos castors. » Champlain leur fit réponse que tous ceux qu'ils voyaient assemblés étaient de leurs amis. Quand il se présenterait une occasion favorable, ils ne manqueraient pas de faire leur devoir, qu'ils devaient faire la traite paisiblement et seraient récompensés de leur générosité. Le lendemain, les sauvages apportèrent à la dérobée 40 pots de castor dont ils firent présent à Champlain, leur grand ami. Puis, avant de se quitter, ils se déclarèrent heureux de l'idée qu'ils avaient de construire un fort dans les environs du Sault Saint-Louis. Avant de reprendre le chemin de leur pays, les Algonquins allaient chercher le corps d'Outetoukos, noyé au Sault, et le transportèrent sur l'île Sainte-Hélène, où ils firent leur cérémonie accoutumée, consistant en danses et chansons sur la fosse, suivies de festins et de banquets. Le 15 du même mois, arrivèrent 14 canots commandés par Tekuihata. Ces sauvages venaient du nord et racontèrent à Champlain ce qu'ils connaissaient de leur pays, où ils pourraient faire des découvertes utiles. Ils demandèrent à un jeune Français pour les suivre. Champlain en décida un sans trop de difficultés et lui remit un mémoire fort particulier des choses qu'il devait observer, étant parmi eux. La traite terminée, ces sauvages se divisèrent en 3 bandes. Les uns partirent pour la guerre, les autres remontèrent le Saint-Laurent, et les derniers s'enfoncèrent dans une petite rivière qui va se jeter près du Grand Sault. On était au 18 juillet. Champlain est parti le même jour qu'eux, et le lendemain, il arrivait à Québec. La première chose dont il s'occupa fut de mettre tout à l'ordre dans l'habitation. Certaines réparations étaient devenues urgentes. Il fut planter des rosiers et scier quelques planches de chêne pour emporter en France afin de s'assurer si ce bois ne pourrait pas servir au lambrissage des navires et aux garnitures des fenêtres. Le 20 juillet, Champlain disait encore une fois adieu à son habitation de Québec et le 11 août, il quittait Tadoussac pour la France sur le vaisseau du capitaine Thibault de La Rochelle où il arriva le 10 septembre. M. Demont était alors en Saint-Onge dans son gouvernement de Pont. De cette ville à La Rochelle, la distance n'est pas considérable. Aussi, Champlain s'y rendit en un court temps et raconta à M. Demont toutes les circonstances afférentes à son voyage au Canada, les promesses que les Hurons et les Algonquins lui avaient faites de le guider à travers leur pays, pourvu qu'on les assistât dans leur guerre. M. Demont résolut aussitôt d'aller trouver le roi, afin de lui exposer la situation sous son véritable aspect et de lui arracher du secours, soit sous forme de privilèges de traite qui pourraient être revivifiés, soit autrement. Champlain prit les devants, mais en route, il eut le malheur de tomber de cheval et il faillit être écrasé. Cette chute retarda son voyage de plusieurs jours. Quand il se sentit assez bien remis, il courut à Fontainebleau. M. Demont était déjà à Paris, en train de désintéresser ses associés. La tâche n'était pas ardue, car ils étaient dégoûtés d'une affaire qui ne leur apportait rien et dont ils n'espéraient rien tant que le roi n'aurait pas renouvelé le monopole du commerce des fourrures pour la société. M. Demont convint de leur payer une certaine somme pour leur part du magasin de Québec. La compagnie de M. Demont avait cessé d'exister. Un seul homme restait ferme encore, bien que son unique protecteur menaçât de lui manquer. C'était Champlain, le fondateur de Québec, qu'aucune difficulté ne décourageait. M. Demont avait résisté avec une énergie peu ordinaire à toutes les tracasseries des Malouins, des Rouennais et des Rochelais. Mais il avait toujours conservé l'espoir de refaire sa fortune au moyen de la traite. Depuis 4 ans qu'il escomptait ainsi l'avenir, il avait résolu de frapper un dernier coup. Le roi, qu'il avait essayé d'attendrir par le récit de ses malheurs et de ses sacrifices de tout genre pour la cause de la colonisation, daigna l'écouter avec beaucoup d'attention, mais ne lui accorda pas ce qu'il demandait. Louis XIII n'était pas obligé de payer les obligations personnelles de son prédécesseur, et M. Demont n'était plus ce grand personnage jouant un rôle durant les guerres de la Ligue. Il comprit lui-même que la situation n'étant plus la même, ce serait perdre son temps et son argent que de vouloir lutter contre toute une nuée de marchands qui ne manqueraient pas de protection à la cour, et il informa Champlain qu'il lui abandonnait la direction de la colonie et qu'il eut à se pourvoir ailleurs pour la question d'argent. Ce fut la dernière entrevue entre ces deux hommes faite pour s'entendre. Demont était protestant, mais il ne fit jamais preuve de fanatisme. Il semble avoir plus favorisé les catholiques que les autres. Sa commission de 1603 l'obligeait de faire instruire et élever les sauvages dans le catholicisme. Ce fut une forte sauvegarde pour les intérêts de la véritable Église, en Acadie et dans les endroits où le protestantisme aurait pu s'implanter. L'œuvre de la colonisation avait donc été jusque-là plutôt catholique que protestante. Ce régime ne fut pas de longue durée. L'espèce d'isolement qui se fit autour de Champlain, avec la retraite de M. Demont, redoubla chez lui cette activité et cette persévérance qu'il sut toujours déployer dans les circonstances graves de sa vie. Qu'allait-il faire? Lui-même ne pouvait apporter à Québec que son travail et son dévouement. Ses ressources personnelles étaient trop minimes pour soutenir une œuvre relativement assez coûteuse. Il lui répugnait, d'autre part, de sacrifier 4 années de labeur, de sacrifices de toute nature, dont les résultats, quelque peu tangibles qu'ils fussent encore, deviendraient bientôt fructueux avec la protection des riches et des puissants. Pendant que Champlain songeait en lui-même aux meilleurs moyens d'assurer la réussite de ses projets d'avenir, voilà que les jeunes Français, qui avaient suivi Iroquois et Trégoire-Rôti, au milieu des tribus algonquines et hurones, revenus en France, l'accostèrent un jour, en plein Paris, et lui apprirent que 200 sauvages, pensant le trouver au Sault Saint-Louis, où il leur avait donné rendez-vous en 1610 pour l'année suivante, s'y étaient présentés, suivant leurs promesses. N'ayant pas trouvé celui qu'ils cherchaient, ils avaient montré de la mauvaise humeur. Les Français qui se trouvaient là pour la traite avaient essayé de les calmer en leur disant que Champlain ne manquerait pas de venir l'année suivante. D'autres Français leur avaient assuré que Champlain était mort, malgré l'affirmation contraire des premiers, qui étaient des amis de la société de M. Demont. « Voilà, » dit Champlain, « comme l'envie se glisse dans les mauvais naturels contre les choses vertueuses. Et il ne leur faudrait que des gens qui se hasardassent en 1000 dangers pour découvrir des peuples et terres afin qu'ils en eussent la dépouille et les autres la peine. » Il n'est pas raisonnable qu'ayant pris la brebis, les autres aient la toison. S'ils voulaient participer à nos découvertes, employer de leurs moyens et hasarder leurs personnes, ils montreraient avoir de l'honneur et de la gloire. Mais au contraire, ils montrent évidemment qu'ils sont poussés d'une pure malice de vouloir également jouir du fruit de nos labeurs. Champlain n'avait pas à se plaindre seulement des Français qui le suivaient comme son ombre au Canada, afin de profiter de sa connaissance du pays et de l'amitié dont l'entouraient les sauvages pour trafiquer plus à leur aise, mais il gémit surtout sur la conduite des Malouins, qui s'opposaient, par tous les moyens, à ce que M. Demont obtint le monopole du commerce dans les eaux du Saint-Laurent. Il fait, dans la relation de ses voyages, un plaidoyer à l'encontre de leurs prétentions qui méritent d'être connues. Ce sujet, écrit-il, me fera dire quelque chose pour montrer comme plusieurs tâches à détourner de louables desseins, comme ceux de Saint-Malo et d'autres, qui disent que la jouissance de ces découvertures leur appartient pour ce que Jacques Cartier était de leur ville, qui fut le premier aux 10 pays de Canada et aux îles de Terre-Neuve. Comme si la ville avait contribué aux frais des dites découvertures de Jacques Cartier, qui fut par commandement et aux dépens du roi François Ier, est-ce année 1534 et 1535 découvrir ces terres aujourd'hui appelées Nouvelle-France? Si donc le dit Cartier a découvert quelque chose aux dépens de Sa Majesté, tous ces sujets peuvent y avoir autant de droits et de libertés que ceux de Saint-Malo, qui ne peuvent empêcher que si aucun découvre autre chose à leurs dépens, comme l'ont fait paraître par les découvertures ci-dessus décrites, qu'ils n'en jouissent paisiblement. Donc, ils ne doivent pas s'attribuer aucun droit, si eux-mêmes ne contribuent. Leurs raisons sont faibles et débiles de ce côté. Et pour montrer encore à ceux qui voudraient soutenir cette cause qu'ils sont mal fondés, posons le cas d'un Espagnol ou autre étranger ait découvert quelques terres et richesses aux dépens du roi de France, savoir si les Espagnols ou autres étrangers s'attribueraient des découvertures et richesses pour être l'entrepreneur espagnol ou étranger. Non, il n'y a pas de raison. Elles seraient toujours de France. De sorte que ceux de Saint-Malo ne peuvent se l'attribuer ainsi que Dieppe pour être le dit quartier de leur ville. Mais seulement à cause qu'il en est sorti, ils en doivent faire état et lui donner la louange qui lui est due. Davantage, le dit quartier au voyage qu'il a fait ne passa jamais le dit grand saut Saint-Louis et ne découvrit rien nord ni sud dans les terres du fleuve Saint-Laurent. Ses relations n'en donnent aucun témoignage et n'y est parlé que de la rivière du Saguenay, des Trois-Rivières et Sainte-Croix, où il hiverna en un fort proche de notre habitation, car il ne lut omis non plus que ce qu'il a décrit, qui montre qu'il a laissé tout le haut du fleuve Saint-Laurent, depuis Tadoussac jusqu'au Grand Sault, difficile à découvrir les terres, et qu'il ne s'est voulu hasarder ni laisser ses barques pour s'y aventurer. De sorte que cela est toujours demeuré inutile, sinon depuis 4 ans que nous y avons fait notre habitation de Québec, ou depuis l'avoir fait édifier, je me mis au hasard de passer le 10 sauts pour assister les sauvages en leur guerre et envoyer des hommes pour connaître les peuples, leur façon de vivre et que c'est que de leur terre. » Cette citation n'était pas de trop, tant il est important de bien définir l'œuvre des deux grands Français qui ont laissé leur nom visiblement écrit sur les premières pages de nos annales. Champlain ne déprécie pas le mérite de Cartier. Il s'oppose à l'abus que les Malouins faisaient de son nom glorieux pour détruire l'édifice dont leur illustre compatriote avait jeté la première pierre dans la Nouvelle-France. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 14 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial Non-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.